petite fille, je m'inviterai pour le dessert. Ce soir, je m'en vais au dernier concert. Mes yeux se sont brûlés quand les flammes se sont tues. Ne plus te regarder, ne plus baiser tes seins nus. Je jette au vent les poussières de ta matière vivante, le parfum de ton corps et son odeur énivrante, la chaleur de nos rêves, le combat de nos mains, la vie d'avant la guerre, l'espoir d'un lendemain. Mais c'est l'enfer qui a fait son chemin. Oh mananana. J'habite une bouteille à la mer, noire de fumée et de vin amer. La lumière a comme un goût de béton depuis que tu es parti pour de bon. M'enverras-tu une carte postale de là-haut? Et s'il fait beau, et s'il fait chaud, avec une larme dans un coin que je pourrais sentir pour être un peu moins loin. Petite fille, je m'habille dans le désert, dans ce mal que je porte comme une colère, dans la blancheur d'un dernier coup d'éclat. Ce soir, je retourne à la mer et à toi. Tu viendras me chercher comme un rayon divin, comme dans les dessins. Tu me prendras la main, on regardera à deux les éclats du vieux phare jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et l'enfer passera son chemin au mananana. Petite fille, je m'habillerai pour le dessert. Ce soir, je m'en vais au dernier concert. Merci.